Chapitre 5. Tout homme qui croit que Jésus est le Christ est enfant de Dieu, et quiconque aime un père aime aussi ses enfants. Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, c'est en aimant Dieu et en mettant ses commandements en pratique. En effet, voici en quoi consiste l'amour pour Dieu, c'est que nous obéissions à ses commandements. Et ces commandements ne sont pas trop difficiles pour nous, car tout enfant de Dieu peut vaincre le monde. Voici comment nous remportons la victoire sur le monde, par notre foi. Qui peut vaincre le monde? Seul celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est celui qui est venu. Il est venu avec l'eau de son baptême et avec le sang de sa mort. Il est venu, non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et l'Esprit témoigne que cela est vrai, car l'Esprit est la vérité. Il y a trois témoins, l'Esprit, l'eau et le sang, et tous les trois sont d'accord. Nous acceptons le témoignage des hommes. Le témoignage de Dieu est bien supérieur, et c'est là le témoignage qu'il a rendu au sujet de son Fils. Ainsi, celui qui croit au Fils de Dieu possède en lui ce témoignage. Mais celui qui ne croit pas en Dieu a fait de Dieu un menteur, car il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie nous est accordée en son Fils. Celui qui a le Fils a cette vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris cela afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voici pourquoi nous avons une pleine assurance devant Dieu. Nous savons qu'il nous écoutera si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté. Ainsi, comme nous savons qu'il nous écoute quand nous lui présentons une demande, nous savons aussi qu'il nous accorde ce que nous lui demandons. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, il faut qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Ceci est valable pour ceux dont les péchés ne mènent pas à la mort. Mais il y a un péché qui mène à la mort, et je ne demande pas de prier pour un tel péché. Toute mauvaise action est un péché, mais il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Nous savons qu'aucun enfant de Dieu ne continue à pécher, car le Fils de Dieu le garde, et le mauvais ne peut rien contre lui. Nous savons que nous appartenons à Dieu, et que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons que le Fils de Dieu est venu, et qui nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Nous demeurons unis au Dieu véritable par son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable, c'est lui la vie éternelle. Mes enfants, gardez-vous des faux dieux.